Cependant, son maître allait toujours en avant. Mais voilà le maître et le valet séparés. Et je ne sais auquel des deux m'attacher de préférence. Si vous voulez suivre Jacques, prenez-y garde. La recherche de la bourse et de la montre pourra devenir si longue et si compliquée que de longtemps il ne rejoindra son maître, le seul confident de ses amours. Et adieu les amours de Jacques. Si, l'abandonnant seul, à la quête de la bourse et de la montre, vous prenez le parti de faire compagnie à son maître, vous serez poli, mais très ennuyé. Vous ne connaissez pas encore cette espèce-là. Il a peu d'idées dans la tête. S'il lui arrive quelque chose de sensé à dire, c'est de réminiscence ou d'inspiration. Il a des yeux comme vous et moi, mais on ne sait la plupart du temps qu'il regarde. Il ne dort pas, il ne veille pas non plus. Il se laisse exister, c'est sa fonction habituelle. L'automate allait devant lui, se retournant de temps en temps pour voir si Jacques ne revenait pas. Il descendait de cheval et marchait à pied. Il remontait sur sa bête, faisait un quart de lieue, redescendait et s'assied à terre, l'abri de son cheval passé dans son bras et la tête appuyée sur ses deux mains. Quand il était là de cette posture, il se levait et regardait au loin, s'il n'apercevait point Jacques. Point Jacques. Alors, il s'impatientait et, sans trop savoir s'il parlait ou non, il disait « Le bourreau, le chien, le coquin, où est-il? Que fait-il? Faut-il tant de temps pour reprendre une bourse et une montre? Je le rouerai de coups. Oh, cela est certain, je le rouerai de coups. » Puis, il cherchait sa montre à son gousset, où elle n'était pas. Il achevait de se désoler, car il ne savait que devenir sans sa montre, sans sa tabatière et sans Jacques. C'était les trois grandes ressources de sa vie qui se passaient à prendre du tabac, à regarder l'heure qu'il était, à questionner Jacques. Et cela, dans toutes les combinaisons. Privé de sa montre, il a été donc réduit à sa tabatière qu'il ouvrait et fermait à chaque minute, comme je fais, moi, lorsque je m'ennuie. Eh bien, en avez-vous assez du maître? Et son valet, ne venant point à nous, voulez-vous que nous allions à lui? Le pauvre Jacques. Comme il approchait au petit pas du château, non, du lieu de leur dernière couchée, il passe à côté de lui un de ces merciers ambulants qu'on appelle porte-balle, auprès duquel il récupère la montre de son maître. Mais le porte-balle ameute aussitôt quantité de gens et Jacques se retrouve devant le lieutenant général de police du lieu qui lui permet également de récupérer sa bourse. Jacques remonte sur son cheval et fend la presse qui s'était faite à l'entrée de la maison du magistrat. Mais, comme il souffrait avec peine que tant de gens le prissent pour un fripon, il affecta de tirer la montre de sa poche et de regarder l'heure qu'il était. Puis, il piqua du dos son cheval qu'il n'y était pas fait et qu'il en partit qu'avait plus de célérité. Son usage était de laisser aller à sa fantaisie, car il trouvait autant d'inconvénients à l'arrêter quand il galopait qu'à le presser quand il marchait lentement. Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène.